Psaume 96. Chantez à l'Éternel un nouveau cantique, vous, toute la terre, chantez à l'Éternel. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, prêchez de jour en jour sa délivrance. Racontez sa gloire parmi les nations, et ses merveilles parmi tous les peuples. Car l'Éternel est grand, et digne d'être loué, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples ne sont que des idoles, mais l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la magnificence marchent devant lui, la force et l'excellence sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel la gloire et la force. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, apportez l'oblation, et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel, avec une sainte magnificence, vous tous les habitants de la terre, tremblez tout étonnés, à cause de la présence de sa face. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Même la terre habitable est affermie, et elle ne sera point ébranlée, il jugera les peuples en équité. Que les cieux se réjouissent, et que la terre s'égaie. Que la mer et ce qui est contenu en elle bruit. Que les champs s'égaient, avec tout ce qui est en eux. Alors tous les arbres de la forêt chanteront de joie, au devant de l'Éternel, parce qu'il vient pour juger la terre, il jugera en justice le monde habitable, et les peuples selon sa fidélité.